agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Un mot de vous ravirait nos amis socialistes. Restez dans le Val. Dans le salon, il y a des gaullistes et des blanquistes. Mais je croyais fâché. Ah, le voilà le miracle du boulangisme. Ouvrez sans crainte. Je resterai dans les généralités. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisqu'il est tellement question dans toutes les gazettes et dans bien des conversations, à vrai dire non sans raison, de la montée actuelle des populismes en Europe, et aux États-Unis, l'envie apparaît d'aller scruter, pour comparaison, le moment du boulangisme en France, dans les années 1880. On voit en effet surgir alors, dans notre pays, une vague puissante portant un rejet de la démocratie représentative telle que pouvait la pratiquer la toute jeune Troisième République, à telle enseigne que le régime sembla tout près d'en être emporté. Longtemps, on a surtout parlé du populisme pour cette époque à propos des États-Unis. Mais les diverses composantes du phénomène, telles qu'on l'entend aujourd'hui, se retrouvent dans le cas du boulangisme. Réaction brutale à une crise économique, à un malaise social, à une frustration nationale, tout cela accompagné d'une mise en cause morale des élites dirigeantes, qu'elles soient parlementaires, intellectuelles, médiatiques ou économiques. On peut en même temps ajouter que ce précédent protège contre tout fatalisme désabusé, car la Troisième République, ainsi violemment bousculée, a trouvé dans ce défi finalement surmonté la chance d'une consolidation paradoxale et l'occasion d'un nouveau départ. Mon invité ce matin, Bertrand Joly, professeur à l'Université de Nantes, est un spécialiste de cette période de notre histoire et il est l'auteur d'un monumental dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français. Son livre récent sur l'affaire Dreyfus fait autorité, et il n'est pas moins compétent pour le temps où le général Georges Boulanger, le beau militaire à la barbe blonde, a paru sur le point de faire renaître en France un nouveau régime autoritaire. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Puis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir vous loter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait de jambonneaux, ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau, ma fille sans chocolat et ma soeur deux œufs sur le plat. Gaisé, content, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt Longchamp en foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup on crie, vive la France, cré Dieu c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, et ma femme sur le dos d'un facteur, ma sœur qu'aime les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défilent les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en reluquant l'Espaillie. Moi je faisais qu'admirer notre brave général Boulanger. Gais et content, nous allions triomphants, en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et complimenter l'armée française. Bertrand Joly, bonjour. Bonjour. Peut-être ne vous ai-je pas trop surpris, mais il m'a paru légitime de commencer notre conversation en vous offrant une interprétation d'une chanson très connue qui a été créée par Paulus en 1886 en revenant de la revue. Elle est ici interprétée dans les années 60 par Aimé Donia. C'est une chanson de Lucien Delormet et Léon Garnier. C'est le temps où le général Boulanger, sur son cheval noir et avec sa barbe blonde, apparaît sous le regard du Parisien admiratif. Tout à fait, c'est le soir même du 14 juillet 86 que la chanson est créée par Paulus, qui d'ailleurs ne sera pas boulangiste par la suite. L'hymne du boulangisme est bien choisi, ce mélange de fougue un peu fringante, mais également de vulgarité, de facilité, quelques clins d'œil grivois, c'est un bon résumé de l'apparence du boulangisme. Il faut que nous évoquions le personnage pour commencer, savoir d'où il vient, comment il s'est trouvé à un moment donné en concordance avec une sensibilité collective. On peut naturellement, rétrospectivement, discuter du fait de savoir s'il aurait pu ou non atteindre une sorte de dictature. Mais enfin, il est vrai qu'il a été l'homme d'une conjoncture, d'un moment. Comment est-ce arrivé ? Eh bien d'abord, Boulanger, c'est un militaire et il faut lui reconnaître un réel talent. C'est un excellent soldat, un meneur d'hommes. Ça va lui servir aussi avec les civils. Un meneur d'hommes, il fait Saint-Cyr, une carrière coloniale surtout. Il se bat, il est blessé à plusieurs reprises. Bref, c'est un excellent soldat. Ce qui le distingue un peu des autres soldats, c'est une ambition qui frôle et même pénètre réellement dans un arrivisme absolument frénétique et surtout servi par tous les moyens. Boulanger n'a aucun scrupule, il veut monter. Il va donc servir l'Empire, loyalement d'ailleurs, puis il va flagorner les royalistes au moment de l'ordre moral, dans les années 73-75. Qu'est-ce qu'il fait pendant la Commune ? Il est à la tête d'un régiment. Il combat les communards, il se bat contre eux, et il a la chance, si on peut dire, d'être blessé au milieu de la semaine sanglante. Il est dans le 5e arrondissement. Il reçoit une balle qui l'empêche d'avoir à commander des pelotons d'exécution. Ça, c'est très important. C'est très important pour la suite. À d'autres généraux qui réapparaissent au moment de la fête de refuge. Je pense à Gallifet, par exemple. Et on ne peut pas le taxer de brutalité. Non, cela dit, il a combattu la Commune, et il a même été cité pour cela. Donc, ça sera un peu gênant plus tard, en effet. Son émergence dans la vie publique correspond à un moment d'incertitude pour la Troisième République. Au fond, tous les régimes du XIXe siècle ont vécu entre 15 et 20 ans, pas davantage. Et par 18 contre, ans, c'est la monarchie de Juillet et l'Empire, et donc on attend l'année 88-89 comme le terme normal du régime. En effet, le régime hésite. Il hésite sur son avenir, sur sa popularité, sur sa légitimité, en quelque sorte. En 85, les élections législatives donnent une chambre ingouvernable. Trois tiers, les radicaux, les républicains, on va dire modérés pour faire court, et puis les monarchistes à droite. Il n'est pas question de s'allier aux monarchistes, donc les radicaux et les modérés sont condamnés à vivre ensemble, or ils ne s'aiment pas, ils se sont combattus lourdement avant les élections et pendant les élections. C'est incarné en particulier dans l'affrontement bien connu, le duel entre Jules Ferry d'un côté et Georges Clémenceau de l'autre. Absolument. qui incarne ce radicalisme. Tous les deux incarnent en gros ces deux tendances qui ne s'aiment pas et qui pourtant vont devoir s'unir face à la droite d'abord, puis face au boulangisme ensuite. Entre les deux tours des élections de 85 en particulier. Il a fallu en effet en hâte refaire l'unité qui a d'ailleurs eu quelques petits accrocs au total. Mais grosso modo, l'Union des Républicains a permis de renverser la vapeur après un premier tour qui avait été catastrophique pour les Républicains. Donc il y a une sorte de crise politique, un doute sur la capacité des Républicains de continuer à gouverner la France. Il y a aussi une crise économique. Absolument, une crise qui est européenne, qui est même mondiale, qui commence en gros dans les années 73-74 du côté de l'Allemagne, mais qui en France va arriver plus tard. On admet que c'est en 1882, avec la faillite de l'Union Générale, une banque, que la crise s'installe. Crise, oui, mais pas crise violente, plutôt marasme, ralentissement, chômage qui monte, mais qui n'atteint pas les pics que nous connaissons aujourd'hui, par exemple. Donc, un malaise réel. Et il y a aussi une frustration nationale. Alors, c'est la perte de l'Alsace-Lorraine et la défaite de 70. Cela dit, il faut bien dire que la France n'est nullement prête à faire la guerre à l'Allemagne. La revanche en tant que volonté d'une guerre offensive est un mythe, bien sûr. Les Français veulent la paix, mais ils ne veulent pas tourner la page non plus. Et donc, ils sont pris entre deux exigences totalement contradictoires. Ils veulent les provinces perdues et ils veulent la paix. On n'aura pas l'un sans l'autre. Et ça explique un peu toutes les ambiguïtés de la mentalité de la France dans la période et les zigzags aussi de sa diplomatie. On peut ajouter enfin une mise en cause des élites, les élites politique, les élites intellectuelles. Il va y avoir dans ces années-là, en 1887, un scandale retentissant lorsqu'on apprend que le gendre du président de la République fait commerce de décorations, Daniel Wilson, contraignant Grévy, président de la République, à démissionner. Et malheureusement pour la République, le jour même où Boulanger sera chassé de l'armée, la cour d'appel acquitte Daniel Wilson en disant que ce qu'il a fait est moralement blâmable, mais n'est pas légalement punissable. Il sera d'ailleurs réélu par le bon peuple de France à plusieurs reprises comme député. Dans le département d'Indre-et-Loire. Il y a aussi une autre donnée, c'est l'anticléricalisme du régime républicain, qui sert souvent de lien entre des modérés et des radicaux assez éloignés par ailleurs, et qui est très mal vécu par une partie de la population. Je dis bien une partie, car il y a beaucoup de régions très catholiques, comme la Savoie, la Haute-Loire, qui élisent sans problème les républicains. Mais il n'empêche que dans la partie, disons, militante, active du catholicisme, il y a une très violente hostilité à la République. Il y a une des premières poussées que connaît la Troisième République, poussée d'anti-parlementarisme. Et absolument, sans forcer le trait, on ne peut pas ne pas être sensible à un rapprochement avec ce que les sondages nous disent aujourd'hui sur un certain discrédit du personnel parlementaire. Exactement. L'accusation la plus fréquente est que les députés, en sorte, confisquent le pouvoir. Le citoyen lambda, l'électeur ordinaire, une fois qu'il a voté pour M. X ou M. Y, en fait, n'a plus voix au chapitre, puisqu'il n'y a pas de référendum, c'est formellement interdit. Il n'y a pas de dissolution. Le principe existe dans la Constitution. Il a été aboli par la pratique. Et donc, une fois élus, les députés sont omnipotents. Ils ne risquent rien. Ils sont en quelque sorte irresponsables. Ils n'ont qu'à rendre des comptes à leurs électeurs par la suite. Mais sur le moment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il est donc à l'époque ordinaire, ce qui ne passerait pas aujourd'hui, de voir un député renverser un gouvernement de sa propre couleur politique. Vous évoquez le référendum, les souvenirs du Second Empire en particulier, du plébiscite, comme on disait à l'époque d'avril 1870, tous ces souvenirs empêchent que les Républicains ratifient en rien l'idée de la consultation directe du peuple, outre que probablement ils sont attachés à conserver eux-mêmes leur pouvoir. C'est exact, mais je crois que la référence au plébiscite impérial est un peu un alibi pour autoriser le rejet d'une pratique dont on ne veut pas au nom d'une conception qui est encore assez orléaniste du pouvoir. Alors c'est sur ce fond de tableau qu'on voit Georges Boulanger, le général Boulanger, commencer son essor. Il est notable qu'il est d'abord porté par la gauche, en fait l'extrême gauche à l'époque radicale, et que Clémenceau, qui est le grand leader, le tombeur de ministères, des ministères opportunistes, que Clémenceau au début a une sorte de coup de cœur pour Boulanger. Enfin, dans cette armée qui apparaît très attachée aux régimes antérieurs, enfin un général républicain. Clémenceau impose Boulanger dans le gouvernement Fraissinet qui se constitue en janvier 86. Et la tâche de Boulanger est nette, démocratiser l'armée qui a la réputation, d'ailleurs assez méritée, d'être une sorte de foyer réactionnaire. Un homme de droite, un conservateur, un royaliste ne peut pas servir l'État républicain, mais il sert la France en acceptant des postes dans l'armée ou la diplomatie. Par conséquent, Boulanger est là pour un peu faire le ménage. Et il va s'y atteler, très vigoureusement. Le général de gauche à l'époque, à la fois dans les décisions prises symboliques et dans son comportement par rapport au personnel des armées. Absolument, c'est un radical authentique. Il est d'ailleurs symptomatique que la presse de droite le hait. Quand on compare ce qu'elle en dit en 86 et ce qu'elle en dira 3 ans plus tard, en effet, c'est un renversement total. Mais il est incontestable que Boulanger va faire la politique que l'on attend de lui, que Clémenceau veut qu'on réalise. Plus un sens de la communication, comme on dirait aujourd'hui, quand il est ministre de la guerre, qui frappe rétrospectivement. C'est cela, je crois, qui le rend extrêmement moderne, Boulanger. C'est cet homme ordinaire, qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'idée, qui se lance d'une aventure avec une réflexion totale. Il a quelque chose qui le distingue tout le monde. Il a 100 ans d'avance en matière de gestion de la communication. Par exemple, un des premiers soins quand il arrive au médecin de la guerre, c'est de créer un service de presse qui n'existait pas avant et qui va servir de caisse de résonance pour toutes les initiatives un peu tapageuses qu'il va prendre rue Saint-Dominique. Il y a une question de barbe en particulier. Pas seulement la sienne, mais celle qui l'autorise les sous-officiers à porter désormais. Ce qui, à l'époque, l'armée est un sujet dont les Français se préoccupent beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Et donc tout ce qui concerne l'armée est commenté, annoncé, et donc les journaux se déchirent entre ceux qui acceptent la barbe comme un système de preuve de modernité politique et ceux qui estiment que c'est un manque d'hygiène, un laisser-aller que bien digne des radicaux. Il y a aussi cette idée frappante rétrospectivement, de peindre en tricolore les guérites. Quel courage! C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un gadget en politique. Et il est vrai que cela plaît. Par exemple, il remplace la gamelle par une assiette dans les cantines. Il remplace la paillasse par des matelas. Bref, il affiche un souci du confort du troupier qui n'était en effet avant pas très courant. Et il acquiert une popularité incontestable. Je voudrais qu'on le voit plus concrètement, et en anticipant un peu, je vais vous faire entendre un propos, un article de Séverine, qui était à l'époque une grande journaliste, très connue, républicaine, qui va devenir boulangiste, et qui le croque de la façon suivante, lorsque parlementaire, élu un peu plus tard, en 88, il est déjà installé au cœur de la vie publique. De taille moyenne, plutôt grand. L'allure pesante du cavalier, les épaules très larges, comme fatiguées par un invisible joug, le député du Nord, Georges Boulanger, monte lentement les gradins de gauche et s'assied non loin du sommet. Avec lui, ils sont quatre, tout juste, si bien qu'il donne l'illusion de ces cinq si bafoués, si injuriés, et qui mirent si peu de temps à devenir les maîtres de la France. Je crois dans les parlements au triomphe des infimes minorités. Il y croit aussi, celui-là. Et c'est ce qui lui prête cet aspect d'insolence tranquille, de sérénité suprême, qui affole ses collègues contre lui. Rien que dans la façon dont il entre à l'Assemblée, dont il s'assied, dont il abaisse son énigmatique regard, il y a je ne sais quel fatalisme abstrait qui est pour ses adversaires le plus sanglant des outrages. Il le sait, et de là, sous sa moustache blonde, un pli de goguenard défie. La tête est curieuse. Autrement qu'on ne le supposerait d'après les portraits qui encombrent les vitrines. Moins bien et mieux. Des cheveux châtains, très drus et coupés ras, le teint hâlé, une barbe à reflets de cuivre, des sourcils épais sous lesquels l'œil est comme embusqué, le front têtu et audacieux, la mâchoire tenace. Cela semble constituer au premier abord une belle silhouette de haut aventurier, un profil de trabucaire partant à la conquête d'un empire, comme on en vit au temps de la Renaissance française. Mais il y a l'âme de ce visage, une physionomie si profondément déconcertante qu'elle échappe à l'observateur. Il y a le regard et le rire, un rire de petit enfant que la vie amuse et un regard noir à travers des yeux bleus. Il est général. On dit même qu'il jouit sous ce titre de quelque popularité. Moi, je ne vois ici que Monsieur Boulanger, député. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Cet article de Séverine, Bertrand Joly, cet article de Séverine a été publié en avril 1888 dans Le Cri du Peuple, qui est le journal du boulangisme à l'époque. Il est ici lu par Claude Dominique, qui a été une grande voix de la radio publique dans Le Passé Singulier sur France Inter le 24 octobre 1984. Vous le retrouvez, votre général Boulanger, dans ce portrait en pied? Oui, tout à fait. Il avait incontestablement une présence physique. Il fascinait tout le monde, on l'écoutait. Il avait un don inimitable de dire à chacun « vous m'avez compris et nous sommes d'accord ». Et il disait ça à tout le monde, quelles que soient les opinions qu'on lui soumettait. C'est le vieux proverbe indien « dites-moi ce qui me fera plaisir et je vous croirai ». Ouais, exactement. Donc une sorte de caméléon qui va lui permettre de susciter des attachements extrêmement forts, y compris de personnes qu'on ne voyait pas dans ce rôle-là, des gens d'extrême-gauche, des communards par exemple, et puis de rassembler derrière lui une cohue hétérogène du point de vue politique. Il aurait été très bon à la télévision? Je pense qu'il aurait été en effet un excellent meneur politique aujourd'hui. Il manie les médias avec une maestria qui a en effet encore une fois 100 ans d'avance sur ses contemporains. Avant de devenir député, Bertrand Joly, Georges Boulanger, le général Boulanger, entre au gouvernement et commence cette carrière politique dont il a tellement rêvé. Tout à fait, il va rester à peu près un an et demi ministre de la guerre, donc deux gouvernements successifs. Il fait donc parler beaucoup de lui, il fait tout pour qu'on parle de lui. Il a un rôle controversé dans divers épisodes, comme par exemple la grève de Decazeville, qui est marquée par la mort d'un ingénieur de la compagnie. Il soutient les ouvriers. Il soutient les ouvriers, en fait, il le dit. Il dit la fameuse phrase à la Chambre, alors qu'il est peut-être pensé que chaque soldat partage sa gamelle avec un ouvrier. Ils sont peints. Ce n'est que de la propagande, car en réalité, Boulanger n'a, dit-on, la rumeur le dit, je n'ai pas, c'est vrai, qu'il aurait puni deux sous-officiers qui se seraient permis de les mettre en pratique les paroles du ministre. C'est un personnage extrêmement ambivalent. Extrêmement ambivalent, ambigu, et qui peut-être même ne sait pas très lui-même qui il est. Peut-être pour ça qu'il a pu, à un moment donné, incarner la rencontre de tant de mécontentements ou d'ambitions fort diverses. En quelque sorte, c'est son manque de personnalité politique qui lui a permis, en effet, de fédérer tous les mécontentements du moment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains moments de la vie publique et de la vie de la démocratie, de la vie de la République, où on attend particulièrement quelqu'un, un personnage qui va brusquement donner vie à des attentes informulées? On attend, oui, un renouvellement. Quand tout semble bloqué, quand la classe politique paraît un peu sourde et aveugle aux besoins du pays et de l'opinion, il suffit parfois de peu de choses, et Boulanger en fait quand même peu de choses si on y réfléchit, il suffit de peu de choses pour que tous les mécontentements se coagulent en quelque sorte autour d'un homme ou d'une idée ou d'un mouvement, c'est en effet de tous les temps. Mais restons en 1886, restons au moment où Boulanger, ministre de la guerre, va progressivement inquiéter. Après avoir satisfait les radicaux, la gauche va commencer à les inquiéter, les républicains en particulier, car il y a là une sorte de bascule qui est à la fois pour lui un handicap et en même temps un avantage. Ça va lui permettre d'être plus libre, peut-être, qu'il n'aurait été sans cela. En fait, les républicains modérés ont été, dès le début, hostiles. Et Jules Ferry, très vite, a des phrases extrêmement dures sur ce général qu'il appellera le général à la bolivienne. D'autant plus que Clémenceau le soutenait. D'autant plus que Clémenceau le soutient, en effet. L'hostilité des modérés est très précoce. Ce qui change, c'est quand Clémenceau et une partie des radicaux, eux, commencent eux aussi à leur tour à s'inquiéter de ce général qui devient trop populaire. Et un événement va jouer un rôle, sans doute, c'est l'affaire Schnebele. C'est-à-dire l'arrestation d'un commissaire spécial de la gare de Pagny-sur-Moselle, sur la frontière entre la France et l'Empire allemand. Son arrestation, de façon très contestable d'ailleurs, qui met la France et l'Allemagne à deux doigts de la guerre, on l'a dit. Est-ce le danger a-t-il été aussi fort? On peut en douter peut-être, mais en tout cas, l'important c'est que sur le moment, on a cru que la guerre avait été possible, proche, et l'opinion s'est imaginée, de façon tout à fait inexacte, que c'est Boulanger qui avait fait peur à Bismarck, l'avait fait reculer. Résultat, Boulanger apparaît désormais comme un danger belliqueux. Et cela, Clémenceau et les radicaux ne veulent pas déclencher une guerre tout de suite, en tout cas, et par conséquent, ils vont finalement accepter que les royalistes, les modérés s'unissent discrètement pour renverser le ministère auquel appartient Boulanger. Sous un prétexte budgétaire qui ne trompe personne, c'est bien Boulanger qui est visé, on l'élimine et on le reverse dans l'armée ordinaire, si je puis dire. Mais dans le même temps, on trouve désormais chez Boulanger l'incarnation d'un des éléments qui apparaît aujourd'hui comme un élément du populisme essentiel, c'est-à-dire le nationalisme, la patrie avant tout. Maurice Barrès, qui a été à un moment donné très boulangiste, dit « un frisson traversa le pays et sur toutes les lèvres surgit un nouvel hymne à sa gloire. Pareil, nous t'attendons au général Revanche, car tu seras la France au général Revanche. » On appelle généralement Boulanger le général Revanche. En fait, cela veut dire qu'il a réussi à incarner non pas la revanche, dont les Français, encore une fois, ne veulent pas, mais l'ambiguïté nationale sur ce sujet. Un vague espoir, informulé, que l'on peut caresser avec plaisir tant qu'il reste justement un espoir vague, sans cesse remis à plus tard. Les Français, en quelque sorte, se font plaisir. Ils font leur deuil aussi de l'Alsace-Lorraine, dans ce travail qui n'a pas été fait pendant des années, au temps des années 70, quand la question du régime était au premier plan. Les Français ne sont pas occupés de l'Alsace-Lorraine et maintenant ils vont commencer à faire leur deuil. Il est très symptomatique, et ça m'a beaucoup frappé, que les livres de Déroulède, qui est un peu le poète de la revanche, voient leur vente s'effondrer, et de façon très nette et très brutale, en 87, au moment où le boulangisme a commencé à apparaître. Donc, le rapport entre boulangisme et revanche sont extrêmement ambigus, et il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre l'expression générale revanche. Boulanger veut la paix, et il m'a cessé de le répéter. Mais néanmoins, il me semble qu'il utilise le ressort du patriotisme blessé. Bien sûr, il incarne la fierté, il incarne le panache aussi, une volonté d'affirmation, il est fringant, mais c'est de l'apparence. Alors il part pour Clermont-Ferrand, il y est contraint après avoir quitté le gouvernement, où il est resté un an et demi à peu près. Un an et demi, oui. Il est envoyé à Clermont-Ferrand et c'est là qu'éclate l'évidence de sa popularité, et peut-être l'ambiguïté, en tout cas la popularité auprès des électeurs potentiels à Paris. Exactement, c'est la fameuse manifestation du 8 juillet 87 à la gare de Lyon. Boulanger part, va prendre le train pour Clermont-Ferrand et appelle de Rochefort et de la Ligue des Patriotes. Une sorte de comité, non pas d'accueil, mais de départ, l'attend à la gare de Lyon. En fait, la gare de Lyon est envahie par une foule immense. Les appréciations des effectifs ne veulent pas dire grand-chose. On a parlé de 100 000 qui paraît peut-être beaucoup, mais il est certain que la gare est littéralement envahie. Boulanger ne peut pas partir. Son wagon est entouré par la foule. Et finalement, au bout de 4 heures d'attente, il faudra qu'un policier fasse descendre Boulanger sur le quai et l'emmène un peu plus loin sur une locomotive qui l'attend pour l'emmener, le soustraire à l'admiration un peu intempestive de ses admirateurs. Il va franchir le pas en se présentant aux élections législatives, d'abord comme militaire, ce qui est évidemment interdit. Oui, c'est interdit, mais c'est un de ses acolytes qui fait le travail pour lui, qu'il le désavoue officiellement, tout en l'encourageant officieusement. À l'époque, on pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions à la fois, ce qu'il ne manque pas de faire. Comme l'élection se faisait au scrutin de liste, tout le département votait, et non pas uniquement un arrondissement, comme dans le scrutin uninominal, ce qui fait que c'était autant de petits plébiscites locaux, successifs, auxquels Boulanger va se livrer. Il va donc être député, et c'est le moment où Séverine le considérait dans le propos que nous avons cité tout à l'heure, dans l'article que nous avons donné à entendre. Il commence de marquer plus que jamais l'ambivalence de ses séductions. Il va être conduit à donner un peu à chacun ce que chacun attend, en dehors naturellement de la coalition désormais centrale des opportunistes et des radicaux. En fait, l'intrigue boulangiste commence en début décembre 87, Boulanger est encore général à l'époque, lorsque éclate donc le scandale Wilson et que le président Grévy doit démissionner. Des conciliabules ont lieu entre adversaires de Jules Ferry, des radicaux surtout, dont Clémenceau. Des conciliabules ont lieu et pour trouver le moyen d'empêcher Jules Ferry d'être élu à la place de Grévy. Boulanger est associé à ces conversations qu'on a appelées ironiquement les nuits historiques. 2 nuits de suite, on a envisagé les plus invraisemblables solutions. Mais le plus important, c'est que, en sortant de ces conciliabules, Boulanger, dans le plus grand secret, rencontre les royalistes, qui étaient pourtant ses ennemis à l'origine. Les royalistes ont réfléchi et certains pensent que la popularité du général peut être une force, une arme, qu'on pourrait peut-être dériver vers la solution monarchiste. Comme Boulanger, par ailleurs, est très populaire auprès des bonapartistes, qui en fait voient dans son mouvement un aspect césarien, plébiscitaire, qui ne peut que leur plaire, il va donc peu à peu ainsi réunir autour de lui un faisceau de force, d'opposition, à droite bonapartiste et royaliste, pour faire simple, car il y a dans chacune des deux familles des réticents. Et puis, à gauche, les radicaux et une partie du monde socialiste, les blanquistes notamment. On choisit ce que l'on veut, et Boulanger n'a jamais rien dit qui permettait de supposer d'abord un accord secret qui pourtant existait, et surtout il n'a jamais avoué à ses divers admirateurs qu'il fédérait ou des gens aussi divisés. Faire marcher dans le même camp, en quelque sorte, la duchesse d'Uzès et Séverine, ça paraît déjà difficile. Faire marcher des Eudes, le disciple de Blanqui, et les ténors bonapartistes comme Cassagnac, ça paraît également invraisemblable. Donc Boulanger reste très prudent, il ne dit pas ce qu'il veut. Il dit ce qu'il ne veut pas. C'est un mouvement protestataire et uniquement négatif. Chaque fois qu'on l'interroge sur son programme, que ferez-vous quand vous serez au pouvoir, il dit forgeons l'instrument de la délivrance, forgeons une constitution républicaine, une vraie, et alors après nous pourrons discuter. Cette ambiguïté se retrouve bien résumée dans un film qui avait été donné à la télévision en 1982 d'Hervé Bromberger, La nuit du général Boulanger, qui rejoint tout à fait l'idée qui était la vôtre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il dit à chacun ce que chacun souhaite entendre. Un mot de vous ravirait nos amis socialistes. Restez dans le vague. Dans le salon, il y a des guédistes et des blanquistes. Mais je croyais fâché. Le voilà le miracle du boulangisme. Ouvrez sans crainte. Je resterai dans les généralités. Amis, vous connaissez mon cœur. Depuis le premier jour, il bat pour l'espérance ouvrière. Nous sommes en 1889. Il y a 100 ans, à la Bastille, nos pères ouvraient le chemin. Pour cet anniversaire historique, le général Boulanger vous montrera bientôt quelle nouvelle Bastille il faudra renverser. Vous allez un peu fort. Voyez-vous, les gens sont des tambours, je tape dessus, c'est tout. Et quelle Bastille voulez-vous abattre? Une idée. Bon, maintenant que vous avez vu les socialistes, il faudrait saluer les bonapartistes. Merci. Je crois, messieurs, que nous sommes en train de passer du 17 au 18 Brumaire. Dans cette veillée d'armes, mes pensées rejoignent les vôtres. Ensemble, nous nous tournons du côté des Invalides. Ensemble, nous saluons la glorieuse mémoire de celui sans lequel rien ne serait. Plaise à Dieu que la duchesse d'Uzès ne t'ait pas entendu. Très habile votre référence à Napoléon et votre oubli de Badinguet. À mon tour de t'emmener. Où ça? Chez la duchesse. Il me semble qu'elle a autant le droit à ta visite. Dis, on parle de vous comme si vous étiez la Tour Eiffel. Mais le général est la Tour Eiffel. C'était Maurice René, vous l'avez peut-être reconnu, Bertrand Joly, Maurice René qui interprétait le général Boulanger et Jacques François. L'admirable Jacques François était un de ses compagnons de combat. 1888, c'est l'année du boulangisme. C'est boulange, boulange, boulange, c'est boulanger qu'il nous faut. C'est l'apogée, le boulangisme. Il va donc réussir à se faire élire, dans le Nord notamment, à deux reprises, car chaque fois il démissionne pour se faire planter ailleurs, et il va être élu dans l'Aisne, la Dordogne. On a observé, les historiens ont bien remarqué d'abord qu'il se présente dans des départements où l'élément de droite est assez fort. Boulanger ne va jamais affronter des départements réellement situés à gauche, à une exception près, à Paris, nous y reviendrons tout à l'heure, je pense. Les départements comme la Dordogne est un département de tradition bonapartiste, où les bonapartistes, en fait, tiennent la décision, le Nord. Il a voté à droite en 85, il est en partie repassé aux Républicains dans les élections qui ont suivi, donc c'est un département qui est un peu hésitant, et Boulanger, les travaux l'ont montré, a réussi à attirer les voix de droite, notamment des campagnes, et les voix de gauche, les ouvriers du textile et de la mine notamment. Incontestablement, il a un côté caméléon, il plaît à droite et à gauche, et c'est ce qui fait son intérêt aux yeux des royalistes qui ont été battus en 85 et qui se disent que Boulanger peut représenter le petit plus, les 5% de voix qui ont manqué jusqu'à présent. Et c'est pour cela qu'ils vont accepter de le payer. Il est en même temps très attaché à poser sa fidélité à la République. Mais il peut donner l'impression qu'il remet en cause ce qu'à d'autres moments on a appelé le système dans son ensemble, même l'établissement. C'est une formule anachronique, mais... Dans votre question, il y a deux éléments différents. Il y a d'abord les proclamations de républicaines de Boulanger. Il les fait très volontiers. Il les fait tout en promettant aux royalistes, de façon assez nette, qu'il va rétablir la monarchie. Donc sa parole n'a qu'une valeur très relative. L'autre côté important, c'est en effet la remise en cause du système. Ce côté protestataire, cette espèce de fonction tribunicienne, on pourrait dire, qu'occupe Boulanger, il est le porte-parole des mécontents. de tous les mécontents, quels qu'ils soient, par exemple aux catholiques, il promet une république ouverte, tolérante, sans persécution. Il promet aux socialistes des réformes. Il leur dit « je m'occuperai de vous ». Aux paysans aussi, il dit « je suis à côté de vous, je vous donnerai ce que vous voulez ». Il ne dit jamais ce qu'il donnera, mais il promet qu'il donnera. Est-ce que pousser la comparaison avec le Front National d'aujourd'hui vous paraîtrait incongru ou malvenu ? Je pense qu'elle est en partie, mais en partie seulement, justifiée. En quoi ? Tous les mouvements protestataires essayent de ratisser large et donc promettent, ce qui ne coûte rien d'ailleurs. Ils promettent, ils s'engagent à faire des réformes, à briser un système qui paraît insupportable ou injuste, sans jamais dire très précisément ce qu'ils mettraient à la place. Ou de façon si peu crédible qu'en quelque sorte ça ne vaut pas grand-chose. Boulanger, oui, a cet aspect qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Je promets que je vais tout casser. Et en effet, ça plaît. Ça plaît un certain temps. Et dans le cas de Boulanger, il est très clair qu'à un moment, cela montre les limites de sa démarche. Il y a un moment où il faut bien proposer, il faut dire voilà comment je gouvernerai et avec qui. Et c'est là qu'il va échouer. Je vais vous faire entendre un discours parmi beaucoup d'autres qu'il a tenu à Nevers le 2 décembre 1888, qui est ici lu par François Chaumette dans l'émission Trois Républiques en 1983. Peut-être pourrez-vous, à ce propos, continuer de nous dire quelles sont les ambivalences de Boulanger, motif de son succès pendant un certain temps, explication de son échec ensuite. Si j'ai rallié avec les suffrages de républicains ceux d'hommes qui, en servant les gouvernements déchus, avaient servi leur pays, et ceux d'électeurs restés fidèles à des noms qui, s'ils rappellent nos malheurs, rappellent aussi nos gloires, ce n'est pas parce que ces hommes me faisaient l'injure de supposer que, malgré mes déclarations républicaines, je voulais restaurer un des anciens régimes, mais c'est parce que, instruits par l'expérience, ils sont d'accord avec moi. Et je puis dire avec vous, pour vouloir une république nouvelle, nationale, ouverte à tous les honnêtes gens et à tous les progrès, faite par le peuple et pour le peuple, et dans laquelle le pays aurait non seulement le droit, si souvent illusoire, d'exprimer ses vœux, mais le pouvoir de les réaliser. Je vous le répète, pour alarmer les amis de la liberté et exciter leur méfiance, on a comparé ce qui se passe actuellement à ce qui se passa il y a 37 ans. Mais ceux qui parlent ainsi, en me désignant comme un croque-mitaine dictatorial, calomnient plus encore le peuple français qu'ils ne me calomnient moi-même. Car si nous recommençons notre histoire, ce n'est pas pour en revenir à 1851, mais bien à 1789. C'est toujours intéressant de voir quelle référence un homme d'action va rechercher dans le passé. Refus du coup d'État de Napoléon III, appel au souvenir glorieux, lumineux de la Grande Révolution. Oui, en réalité, le discours est très important. Le discours de Nevers est un des plus, en avis, des plus importants que Boulanger a prononcé. D'abord, Boulanger n'a jamais écrit ses discours. C'est quelqu'un d'autre qui les faisait pour lui et il se contentait de les lire, assez bien d'ailleurs en général. Le discours de Nevers a été écrit par un bonapartiste. Il s'agissait à l'origine, pour Boulanger, de prendre ses distances avec ses accusations de césarisme qui lui collent à la peau depuis longtemps. Il s'adressait à Duguay Lafauconnerie, un député bonapartiste, qui se dit rallier la République, qui ne l'est peut-être pas autant qu'il le dit. Le discours de Nevers est un chef-d'œuvre d'ambiguïté. Il comprend une condamnation du 2 décembre, mais qui est suivie de tant de circonstances atténuantes, de tant de considérations sur les bienfaits de l'Empire, que le pas en avant a été suivi d'un pas en arrière, et dans le cas de Boulanger, il y a donc cette permanente recherche d'un républicanisme affirmé, proclamé, vibrant, et en même temps de tout un non-dit, des arrière-pensées, des ambiguïtés, qui prouvent que Boulanger, au fond lui-même, qu'est-ce qu'il voulait ? Nous n'en savons rien. Je pense que lui-même ne le savait pas davantage, qu'il se laissait porter par la circonstance, et qu'il aurait arrivé au pouvoir, faisons un peu de fiction, il aurait tout aussi bien gouverné en républicain, si tout se passait bien, qu'en dictateur. ce qu'il voulait, c'était arriver, peu importe comment, peu importe avec qui, peu importe à la limite pour faire quoi. 1888, c'est le temps de son apogée, nous disiez-vous, l'apogée du général Boulanger. En même temps, on commence de voir certains signes qui laisse penser que peut-être il ne pourra pas constamment chevaucher cette ambivalence. Il y a un moment qui est intéressant et symbolique peut-être, c'est son duel avec le président du conseil, le chef du gouvernement Floquet. Tout le monde s'attend que le général perce de son épée l'homme politique civil un peu ventripotent. Eh bien non, le contraire arrive et les observateurs, ceux qui sont hostiles à Boulanger, voient peut-être un signe dans cet épisode. Normalement, cet épisode aurait dû ridiculiser Boulanger. En effet, c'est un fringant général qui est embroché par un civil qui est déjà assez âgé, qui est ventripotent et qui ne passe pas pour un bretteur extraordinaire. Il faut dire que Floquet a eu de la chance. Boulanger s'est littéralement jeté sur son épée, qu'il a atteint à la gorge, qui d'ailleurs est passé très près à la carotide de Boulanger, a quand même eu aussi de la chance dans son malheur. Ça aurait dû le ridiculiser. Et en fait, pas du tout. C'est ça le mystère du boulangisme. Tout ce qu'il fait pendant un certain temps tourne à son profit. Un exemple un peu antérieur, Boulanger expulse de l'armée le duc d'Aumale, la famille des Orléans. Et pour se venger, les orléanistes exhibent les lettres flagorneuses que Boulanger, jeune colonel, adressait au dit duc d'Aumale. On écrit toujours trop. Il commence par nier qu'il les a écrites, et puis quand le facsimilé est publié, il est bien obligé de reconnaître que c'est bien lui l'auteur. On aurait dû, devant un tel mensonge aussi impudent, considérer que l'homme n'avait aucune valeur, aucune parole. Eh bien non, on considère qu'il a eu raison, que les orléanistes lui ont tendu un piège déloyal, et par conséquent, il a fait son devoir de bon républicain. Le duel qu'il perd aurait dû le ridiculiser. D'autant plus que peu après, il est battu dans l'Ardèche, où il y a des candidats, parce que les royalistes locaux ne l'ont pas soutenu. Preuve d'ailleurs qu'il a quand même bien besoin des voix de droite. Cela aurait dû mettre fin à sa carrière. Un mois après, il est élu triomphalement dans trois départements le même jour. Tout ce qui, chez un homme politique ordinaire, devrait ruiner sa carrière, au contraire, sert Boulanger. Pendant un temps, et puis après la machine va se dérégler. Le moment pic de popularité se produit en janvier 1889, lorsqu'il est élu contre un radical à Paris. Exactement. On dit toujours, on nous apprenait à l'école que un de ses collaborateurs qui n'avait pas réussi à le persuader d'aller faire un coup de force à l'Élysée avait tiré sa montre et avait dit depuis 5 minutes le boulangisme est en baisse. Bertrand Joly, ça ne vous paraît pas très juste? On attribue le mot à beaucoup de personnes différentes, donc j'ignore s'il est vrai ou pas. Je crois qu'il n'est pas exact de la mesure. À mon avis, le boulangisme était déjà en baisse avant et Paris est un cas totalement atypique. L'élection de janvier était une vieille histoire. Les radicaux disaient aux boulangistes, présentez-vous contre nous dans le Saint-Dessin. Paris, c'est le bastion de l'extrême-gauche, mais vous n'oserez jamais. Et les boulangers répondaient, mais écoutez, démissionnez, et puis on fera une partielle, et comme ça, on verra. La mort d'un député radical, Hude, ouvre de fait une partielle à Paris, que Floquet, le président du conseil, fixe à mon avis, sans doute trop vite, trop tôt, le 27 janvier. Boulanger se présente, il a l'appui de Rochefort, qui est une puissante à l'époque, dans le Paris ex-communard. Rochefort, c'est le grand journaliste des pamphlets qui avait commencé sa carrière sous Napoléon III, avec ce fameux mot, il y a 40 millions de sujets en France, sans compter les sujets de mécontentement. Et oui, et qui finira dans une feuille ultranationaliste, la patrie à la fin de sa vie. Et antisémite. Boulanger donc se présente, il est en effet élu, il fait ses meilleurs scores dans les arrondissements les plus populaires, 18e, 19e, 20e, 15e. Il n'y a que dans le 3e arrondissement qu'il n'arrive pas en tête, et dans le canton du Perreux, car toute la Seine vote. Il est élu et se pose la question de l'après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un coup d'État, tout de suite, là, dans la foulée? La question n'est pas simple et n'est pas très claire. Il est sûr que Boulanger reçoit des propositions, des invitations fermes, des roulettes notamment, le pousse à aller de l'avant, et qu'il refuse. Pourquoi refuse-t-il? La question est complexe. On évoque le souvenir du 2 décembre, une culture républicaine qui, à mon avis, paraît assez sujette à caution. Le 2 décembre 1851, c'est-à-dire le coup d'État de Napoléon III. Le coup d'État du prince-président. Je pense que Boulanger agit logiquement en se disant Je suis porté par une vague électorale. Pourquoi prendre un risque stupide alors que dans 6 mois auront lieu les élections générales et que je serai très légalement appelé au pouvoir? Son calcul est, sur le papier, est tout à fait logique. Il sous-estime le côté émotif et rationnel de sa popularité. Si en effet, c'est maintenant qu'il fallait tenter. Est-ce qu'il avait des chances de succès? Ce n'est pas sûr du tout. Le pouvoir se méfiait. Il avait pris ses précautions. Il y avait des troupes à l'Élysée. Et les garnisons de Paris et des villes proches étaient en alerte. Donc, par conséquent, quand on dit que Boulanger n'avait qu'à une promenade à faire de la place de la Madeleine où il est jusqu'à l'Élysée, qui n'est pas très loin, c'est une vue de l'esprit. Non, il y aurait eu des dégâts sérieux. Il est intéressant pour nous aujourd'hui de voir comment la Troisième République s'est défendue, en effet. De même que nous sommes intéressés aux réactions des pouvoirs en place dans un certain nombre de démocraties européennes qui aujourd'hui voient des poussées de populisme, de comprendre comment la Troisième République finalement s'est trouvée paradoxalement renforcée par l'échec du boulangisme et comment cet échec s'est incarné tout au long de l'année 1889. La République s'est défendue de plusieurs façons. Par des moyens, disons, avouables et légaux et d'autres qui le sont un peu moins. Les moyens avouables, c'est d'abord le changement de la règle du jeu, c'est-à-dire du mode de scrutin. Retour d'abord au scrutin d'arrondissement pour empêcher ces plébiscites à répétition, et puis interdiction des candidatures multiples. La loi est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. On ne peut se présenter aujourd'hui que dans une seule circonscription et il faut en faire le dépôt officiel au préalable. Ça, ce sont les moyens, disons, normaux, légaux. Les moyens moins avouables, c'est un homme qui les incarne, c'est Constant, ministre de l'Intérieur, un aventurier de la politique, qui a un passé extrêmement obscur et peut-être très peu avouable lui aussi. Mais à qui la Troisième doit une fière chandelle? En quelque sorte, oui, parce que lui a compris assez bien l'homme, Boulanger, et il va peu à peu l'intoxiquer en faisant croire qu'il allait être arrêté. On fait croire qu'une menace réelle plane autour du général, qui affecte d'en rire, bien entendu, qui en réalité est très inquiet car cet homme qui a un courage militaire incontestable, qui a risqué sa vie à plusieurs reprises sur une bataille, n'a pas le courage civique, comme on dit. L'idée de se retrouver en prison, loin des siens, loin d'un confort auquel il n'est quand même plus sensible désormais qu'il ne veut l'admettre, loin de sa maîtresse, car il entretient une liaison torride avec Marguerite de Bonnemain depuis quelque temps, tout ceci fait que Boulanger va craquer. Le terme est un peu familier, mais il l'exprime bien, cette espèce de réaction de peur qu'il va éprouver devant la perspective de se retrouver en prison. Il va donc s'enfuir. S'enfuir de manière un petit peu furtive et pas très glorieuse, prenant le train discrètement gare du Nord pour s'enfuir en Belgique. Mais accompagné en fait secrètement par des agents du ministre Constant. La police le suit de très près. Et l'accompagne en quelque sorte Constant en Belgique. Constant donne l'ordre au commissaire spécial de poste frontière, surtout laissez-le passer. Car Constant n'avait aucune envie d'arrêter Boulanger. Ce qu'il voulait, c'est le faire partir. Et c'était beaucoup mieux pour lui. Et Boulanger, si la logique du boulanger se continuait, serait dû le servir, ce nouveau faux pas. Là, quand même, ça va grandement lui nuire. Il a filé comme un caissier indélicat avec la caisse. Et les choses vont se terminer, autant le dire tout de suite, de façon tragicomique, puisque Clémenceau pourra dire de lui, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Dites-nous comment il est mort. Eh bien, d'abord, il perd les élections de 89, le grand combat électoral que lit la République et qu'elle gagne. Et il va donc errer un peu en exil entre la Belgique et Londres, et les îles anglo-normandes, abandonné peu à peu par d'abord tous les siens, et surtout victime d'une campagne, non pas de calomnie, car ce qu'on raconte parfaitement vrai, de révélation à l'été 90 sur l'alliance secrète qu'il avait conclue avec les royalistes. Et on révèle aussi la visite discrète qu'il avait faite, déguisée, au prince, ce qu'on appelle Plomplon, le prince Napoléon Jérôme, un Bonaparte, qui est le prétendant bonapartiste. Ce qui fait que Boulanger, son discrédit s'accélère. On voit qu'il s'est compromis secrètement avec des non-républicains, qu'il a accepté des sommes colossales pour sa propagande et qu'il a en quelque sorte menti à tout le monde. On pense un peu à Célimène, au fond, dans Le Misanthrope, qui dit à chaque petit maître qu'elle le préfère, et puis le jour où tous se parlent entre eux, tout s'écroule. Exactement. Pourquoi ces révélations? Il semble bien que c'est un des lieutenants de Boulanger, Georges Laguerre, qui comprenne que l'homme est fini et qui va très froidement, avec d'autres, décider de l'éliminer en révélant tout. On vide son sac, on dit tout. Boulanger discrédité, abandonné, il y a toujours des fidèles. Il y a d'étonnante fidélité autour de Boulanger. Boulanger finit assez tristement à Bruxelles. Sa maîtresse meurt. Il ne le supporte pas, et je crois qu'on peut parler de véritable dépression nerveuse, qui le conduit à se suicider 3 mois plus tard sur la tombe de son épouse. Très mélodramatique. Et ça va beaucoup faire pour la légende de Boulanger. Il y aura des romans autour de Boulanger, des histoires très romancées, avec dialogue inventé entre sur l'idylle, entre le dictateur sentimental, comme on dira, l'homme qui, entre le pouvoir et l'amour, va choisir l'amour. C'est, tout ceci est faux, bien sûr, mais c'est vrai que ça fera pleurer les chaumières. Ça fait partie aussi, me semble-t-il, de l'histoire du populisme. Et puisque vous parlez de sa légende, je vais vous faire entendre, Bertrand Joly, je vais vous faire entendre une chanson qui s'appelle « Les souvenirs du populo », une chanson de Maurice MacNab, qui est ici interprétée par Caroline Clerc et Jean-Christophe Benoît dans les années 60. C'est une reprise sous forme de pastiche de la fameuse chanson de Béranger « Parlez-nous de lui, grand-mère », qui était un des éléments de la légende napoléonienne dans les années 1820 et 1830. Vous allez voir, là encore, l'ambiguïté, finalement l'ironie qu'on trouve dans cette chanson. Devant la photographie d'un militaire à cheval, en habit de général, songeait une femme attendrie. Ses 4 petits enfants disaient: quel est donc cet homme? Mes fils, ce fut dans le temps un brave général comme on n'en voit plus aujourd'hui. Son image m'est bien chère, oui, m'est bien chère. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Il me souvient de sa gloire, car partout où l'on entrait, était cloué son portrait. Oh, les chansons disaient son histoire. Il était sur les journaux, dans les pièces d'artifice, aux 4 points cardinaux. Je l'avais en pain d'épices. Mais où donc l'ai-je rangé? Il n'est plus sur l'étagère, sur l'étagère. Nous l'avons mangé, grand-mère, grand-mère, nous l'avons mangé. Nous l'avons mangé, grand-mère, grand-mère, nous l'avons mangé. De l'armée, il fut le père, donnant à chaque repas bonne morue aux soldats, ça rendit leur mine prospère. C'est lui qui, des 3 couleurs, orna nos guérites blanches. On eût dit au loin des fleurs, et ce n'était que des planches. Mais depuis qu'il n'est plus là, tout noirci sous la poussière... On les repeindra, grand-mère, grand-mère, on les repeindra. On les repeindra, grand-mère, grand-mère, on les repeindra. Quand on brisa son épée, je disais, il reviendra. Lorsque le tambour battra, mais comme je m'étais trompé, dès ce jour, oh, désespoir, on ne vit plus dans la plaine galoper son cheval noir. Si profonde était ma peine, que ma tête s'égara. Et depuis, je désespère. Dieu vous le rendra, grand-mère, grand-mère, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra, grand-mère, grand-mère, Dieu vous le rendra. Une voix d'homme, Bertrand Joly, une voix d'homme pour la grand-mère. Vous ressentez dans cette chanson Plus d'ironie ou plus de nostalgie? Les deux, sans doute. Et c'est une bonne vision du boulangisme, une affaire très très sérieuse, avec des aspects qui le sont beaucoup moins. Populisme, le mot n'est pas utilisé à l'époque pour la France, il est utilisé pour les États-Unis et un peu pour la Russie. Oui, en effet. Par exemple, il y a, dans les années 90, soit les États-Unis, tout un mouvement populiste qui lutte d'ailleurs contre la corruption des élites, notamment des élites municipales, de corruption qui est bien réelle d'ailleurs aux États-Unis à l'époque. Dans le cas de la France, en effet, le mot n'existe pas. D'ailleurs, le mot nationalisme n'existe pas non plus. Ça n'empêche pas que la chose pour le populisme existe. Oui, Boulanger est populiste, incontestablement, dans la mesure où il promet... Il se fait le porte-parole de mécontentements divers, divers et d'ailleurs souvent contradictoires, qui ne pourraient pas marcher ensemble, sinon en restant dans l'équivoque. Boulanger se fait le représentant du peuple. D'ailleurs, lorsqu'il répond à la Haute Cour de justice, car il a été condamné à Haute Cour, sa réponse s'appelle « Ô peuple, mon seul juge ». Et il se fait donc le porteur d'un système politique où il n'y aurait pas d'intermédiaire, de classe politique parasite entre le peuple et son chef. Ça ressemble beaucoup au bonapartisme, d'ailleurs, ce schéma-là. Alors, pour finir de cette conversation, Bertrand Joly, peut-être faut-il dire un mot de certaines controverses d'historiens qui dépassent les cercles professionnels sur l'interprétation du boulangisme, puisque René Raymond en a fait un avatar au sens propre du bonapartisme, le dernier avatar véritable en France, et que un historien israélien, Zev Sternel, y voit un pré-fascisme, non sans, à mes yeux, péché par ce qu'on peut appeler le finalisme, c'est-à-dire d'interpréter le passé à partir de la suite. C'est une tentation très forte pour l'historien. La thèse de René Raymond est ancienne. Les contemporains de Boulanger, ses adversaires, ont tous dit « c'est le péril césarien qui recommence ». Et donc René Raymond s'est fait l'interprète talentueux de cette vision. Je pense que les deux hommes... qu'on me permette de le dire, se trompent dans la mesure où ils veulent trouver une cause unique, un phénomène extrêmement hétérogène, qui obéit à divers moteurs, et je ne pense pas qu'on puisse l'enfermer dans une équation à un degré. Qu'il y ait une dimension bonapartiste dans le boulangisme, c'est évident. Que le boulangisme soit le lointain déclencheur de ce qui va devenir le nationalisme d'abord, puis peut-être, d'une certaine mesure, le fascisme entre deux guerres, certes, mais c'est une filiation très ténue. Vous savez, dans les généalogies, on est le fils de ses ancêtres, mais aussi de son époque, mais de son contexte. Et je crois qu'il faut prendre les deux en cause pour éviter, je crois, des assimilations un peu rapides. Je me permettrai d'ajouter que René Raymond connaît fort peu le boulangisme, ce qu'il en dit me paraît parfois un peu contestable, et que Sèvres Sternel non plus n'en a pas une connaissance très grande, à la mesure où il évacue totalement de son schéma l'apport bonapartiste et surtout royaliste. Sans l'argent des royalistes, sans les voix royalistes, sans la presse royaliste, le boulangisme n'aurait pas existé. Eh bien, cela donne le goût d'attendre le grand livre que vous allez nous donner, Bertrand Joly, je n'en doute pas, dans quelques temps, sur le boulangisme. J'ai le sentiment que René Raymond était plus nuancé que vous ne le faites en montrant qu'il y avait beaucoup de composantes compliquées de ce mouvement, tout en marquant évidemment la domination du bonapartisme dans cette affaire. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre opus magnum récemment donné au public en 2014 chez Fayard, Histoire politique de l'affaire Dreyfus. Samedi prochain, nous parlerons, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe, nous parlerons des femmes dans le monde arabe, permanence et mutation, avec l'historienne Leïla Dakhli. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec Jean-Guy Lamège à la prise de son. Nous sommes toujours heureux de le retrouver, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Linda Simon pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.